L'actualité à Nancy et ailleurs. Cette année, nous fêtons la 15e édition du Festival de la Petite École du Film Court, qui va se concrétiser notamment avec les dates du 21 et du 22 juin à Vézelise. Pour nous en parler, Blandine Glamseski, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes déléguée du pôle éducatif pour l'association AIVO, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Toutes les actions menées d'éducation à l'image au sein de l'association. Alors cette éducation à l'image, eh bien, on est en plein dedans avec ce festival de la petite école du film court. On est à la 15e édition. Peut-être revenir sur les objectifs initiaux de ce festival. Oui, donc le festival de la petite école du film court, donc, qui est destiné donc, surtout à des scolaires et des centres de loisirs. C'est faire découvrir le cinéma d'ailleurs et autrement. Un cinéma à la fois divers dans la forme et dans le fond, mais aussi d'origine géographique diverse, en fait. Montrer des films différents aux enfants qui n'ont pas l'habitude de voir et les faire parler à partir de ce support cinématographique. Ces films courts, vous les sélectionnez comment et de quoi parlent-ils ? Au sein de l'association, il y a un groupe de 6 personnes qui travaillent exclusivement sur le jeune public. Donc nous avons pas mal d'années d'expertise auprès du jeune public, à la fois dans l'animation et dans la programmation. Donc nous présentons des films courts, ce qui nous permet de présenter plusieurs films différents pour montrer la variété du cinéma. Ces films courts, vous les présentez à un public jeune, même très jeune, parce que ça va de la grande section de maternelle jusqu'à la troisième, donc. Donc une très grande variété de films courts proposés. Oui, tout à fait. Il y a 3 programmations différentes. Programmation pour les plus jeunes, grande section CP, une programmation CE1, CE2, puis une programmation donc CM1, CM2, 6e. Donc c'est des films adaptés donc, à l'âge des enfants. Et donc dans chaque séance, il y a 6 ou 7 courts-métrages. Alors les 21 et 22 juin à Vézelise, vous allez confronter, si je peux m'exprimer ainsi, ces films courts à ce jeune public et voir leurs réactions et les faire réagir. Oui, tout à fait. Donc à la fois à Nancy en ce moment et le 21 et 22 juin à Vézelise. Donc c'est la même démarche. Donc une projection dans un premier temps, puis des échanges avec les enfants dans un deuxième temps. On leur demande en fait d'essayer de se remémorer une image du film, d'exprimer un peu leurs émotions, de s'exprimer par rapport à ce qu'ils ont vu. On peut voir ainsi aussi ce qu'ils ont compris ou pas compris. C'est aussi l'occasion d'apporter un vocabulaire cinématographique. On s'adapte aux réactions des enfants, en fait. On rebondit sur leurs réactions et leurs émotions. On peut retrouver toutes les infos pratiques concernant le Festival de la Petite École du Film Court, bien entendu, sur le site internet www.fifnl.com. Si des personnes seraient intéressées pour participer à la 16e édition donc l'année prochaine, comment on fait ? Oui, donc il y a toutes les coordonnées, effectivement, sur le site. Donc il suffit de nous téléphoner ou de nous envoyer un mail pour réserver effectivement un créneau pour le festival. Il y a des informations normalement des dates relativement tôt sur le site internet. Et ça vaut le coup d'essayer. En général, les enseignants sont ravis de cette expérience et ceux venus les années passées essayent de revenir l'année suivante. Je vous remercie beaucoup. C'est moi. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.